Eh ben on y est allé nous justement, et ça continue. Enfin c'est fantastique, non? Discute, t'énerve pas. Mais j'entends ça, les organisations sont en train d'appeler à la dispersion, c'est quand même fantastique ça. Reprenez votre lutte de syndicat, c'est parfait. Rien, vous avez rien fait. Vous avez défilé, vous arrivez là, vous partez. Vous allez l'envoyer des gens sans ordre, c'est la kermesse. C'est tout ce que vous allez faire. C'est la kermesse ici. Alors demain, Charles, il est content, il rit, quoi, c'est tout. Il veut du sang, voilà. Mais non, mais pas du sang. Mais vous voulez rire, madame. Ça va pas, non? Non, mais j'ai l'air de vouloir mourir, moi. Voulez-vous m'expliquer comment vous allez faire d'envoyer des gens désarmés? C'est à pleurer, d'envoyer des gens désarmés contre les gens désarmés. Mais pas précisément, c'est ça qui est honteux. Eh ben au moins, mettons-nous devant eux. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Thank you. après le théâtre de l'Odéon, les étudiants ont évacué ce soir la Sorbonne. Une centaine de policiers casqués ont pénétré vers 17h30 dans la Sorbonne et dans l'heure qui a suivi, les 200 ou 300 étudiants qui se trouvaient encore à l'intérieur de la Sorbonne l'ont évacué à un. Alors qu'il est, une cinquantaine d'officiers de police fouillent minutieusement la Sorbonne. De très importantes forces de police bouclent en ce moment le quartier latin. Des heurts se poursuivaient encore tout à l'heure entre étudiants et forces de l'ordre à la périphérie du quartier latin. Alors, d'abord...